Ça ne va pas commencer à Routchou, ni à Manono, ni à Massisi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Sinon, ça couille. Encore une fois, c'est moi-même. Mi frère, les gars d'Andy. Et ces gars, ils roulent pour moi-même. Ils roulent pour le lion. Ah ouais, c'est top pour l'ambiance. Non, pas pour 10. Assois la pour N. T'inquiète, pas pour 10. Son frère, c'est des cires. Son frère, c'est pudding. Mi fait flip le game. Si ma petite poutine. Pour attester à nous. Ami, tu boutard. Envoie la patate. Envoie la moutarde. Ouais, les nids, c'est ça. Personne, c'est ma carte. Mi comme tout le monde, frère, fuck toute la mouka. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirote pour tester direct. Moi, mi bécoute. ZLLL. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirote pour tester direct. Moi, mi bécoute. Donc, allez, goûte. Sans bébé chocolat, ni rôde mon chichi. Ton gars fait le cré, tout des tapis chicha. Sors devant nous et fais pas de chichi. Poto veut la frappe, elle est pas stop. Pour calme, on voit fouet, continue ma stop. Mon son c'est la frappe, il arrive sous vide. Mon son est partout, partout comme Covid. Augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirote pour tester direct. Moi, mi bécoute. ZLLL, augmente le level, LLL pour les demoiselles. LLL, c'est tirote pour tester direct. Moi, mi bécoute. ZLLL, donc allez, goûte. Augmente le level LLL pour les demoiselles LLL, c'est tirote pour tester direct. Moi, mi bécoute. Donc allez, goûte. Allez, goûte ton train. Allez, goûte. Goûte ton train. Encore ici. La soie de faux, laisse monter. Patrick Tiffy. La soie de faux, laisse monter. Allez, goûte ton train. Yo, DJ Chad, comment va ça de là-haut, mon petit ref? Ah ouais, c'est là, elle est lourde. Elle garde quoi? Ah, t'as capté ou pas? Pas commencer à Routchou, ni à Manolo, ni à Massisi, ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir! Vous attendez! Vous allez fuir! Vous allez fuir!